à te dire au revoir. Car ma bonne humeur est partie avec toi. J'avais du mal à te dire au revoir. Car une partie de moi s'est enfuie avec toi. Mais sur qui remettre la faute? Sur toi, sur nous. T'as donné raison à ceux qui doutaient de nous. Ou peut-être que de nous deux, ta vie fait le tour. Et ça jusqu'à temps, vas-y. J'te l'accorde, c'est peut-être ma faute. J't'ai tout donné d'un coup. C'est peut-être moi qui mets la pièce dans le manège pour que tu refasses un tour. Oui, c'est vrai que j'ai pas souvent été au rendez-vous. J'arrête pas d'y penser. Et maintenant, qu'en est-il de nous? J'attends que tu dises quelque chose de nous. Attends bébé que tu dises les termes, dis les termes. Oh, ça fait trop longtemps, j'attends que tu donnes le temps pour avancer ou attendre que tu reviennes, tu reviennes, tu reviennes. Oh, il serait peut-être temps bébé que tu dises les termes, dis les termes. Oh, ça fait trop longtemps, j'attends que tu donnes le temps pour avancer ou attendre que tu reviennes, tu reviennes, tu reviennes. Comme ça, même si on se tait, t'as des vidéos de ma tante pelliculaire. Ça s'appelle Tante Memorose. Il faudrait que j'arrête de culpabiliser, voir la vérité en face. J'ai fait mon temps, je suis déjà dépassé. Tu m'as déjà remplacé. Mais ça me rend fou d'imaginer juste une seconde. Que ces 10 doigts t'ont déjà manipulé. C'est là que t'embrasses, tes sous-vêtements retirés. Pour une partie, bref. Mais je préfère penser à toi, penser à nous, penser en boucle au moment où tu m'aimais plus que tout. Et maintenant, qu'en est-il de nous? J'attends que tu dises quelque chose de nous. C'est peut-être temps bébé que tu dises les termes, dis les termes. Oh, ça fait trop longtemps, j'attends que tu donnes le temps pour avancer ou attendre que tu reviennes, tu reviennes, tu reviennes. Oh, il serait peut-être temps bébé que tu dises les termes, dis les termes.